Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai vu ma gueule. J't'ai compris mais j't'ai pas pardonné. Dans le fond poteau j'te connais. Désolé j'ai déjà tout donné. Toujours rien à faire à toi on part zoneux. Trop qui parle pour rien frère, oh oui ça m'agace. Trop qui parle pour rien frère, trop de chiens de la casse. Quand je te parle tu sincères, trop de faux me les casse. Des grosses têtes dans le Tinder, laissez-moi j'suis ailleurs. J'ai fait comme j'ai pu et comme je l'ai voulu. A force de taper avec le temps on évolue. Mets le son à fond, vas-y monte le volume. Et toi petit fils de arrête ma plaie en inconnu. Gros cul, grosse lèvre, c'est comme je les aime. YZ, vroom vroom que ça fait des bézettes. On se bip un couteau du mur, on n'est pas du genre à aller se plaindre. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai vu ma gueule. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai vu ma gueule. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Les gens font le single, c'est le sens, c'est les deux. Rap ou variété, moi je mélange les deux. Combien de putes et de jaloux selon toi? Il me lèche, je suis pas encore au sommet. Si tu savais ce que j'étais prêt à faire pour toi, on fait passer pour moi, mais d'où viennent ces infos, mec? Je suis pas ton frérot, tu me parles que par intérêt. J'ai l'air calme, tu me prends pour un béraud. Dans pas longtemps, tu vas me faire serrer. La musique m'a charmé, je suis fou d'elle. Je la partage un peu avec ma bouteille. Pas trop Philippe, pas trop le boutin. Y'a pas à manger, je partage mon bout de pain. J'essuie mes larmes au volant, je vois trouble. Comme une impression qu'on me suit à la loupe. Tiens un plan, ils veulent te niquer ton cou. Quand ils sont à la dèche, ils veulent te niquer ton couple. J'ai fixé la lune, à deux doigts de parler seul. Mon pet s'éteint, je le rallume. Il suffisait d'une étincelle. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai vu ma gueule. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé, j'ai vu ma gueule. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Vite, vite, vite, bâtard. Je suis désolé, je fais mon chemin seul. Non, j'ai pas changé.